de Tristan Bernard, conte de Pantruche et d'ailleurs. Le prestige des banknotes. Quand Jam arriva dans nos murs, il possédait 15 louis en tout. Il eût pu subsister de moi et chercher une place en battant le pavé, qui ne se tient jamais pour battu. Il préféra embrasser, dès l'abord, une carrière élégante et difficile, qui demande beaucoup d'ingéniosité et divers autres dons de nature. La carrière absorbante entre toutes, qui ne laisse ni loisirs ni vacances, il se consacra bravement à l'oisiveté. Il se procura un complet voyage, une belle malle d'occasion, couverte d'étiquettes d'hôtels suisses ou méditerranéens, et 20 sous de vieux papier pour rendre cette malle pesante. Puis, il héla un fiacre à galerie et se fit conduire, lui et son bagage, dans un hôtel fashionable, l'hôtel des Princes Noirs et des Tigres de Norvège. Y ayant retenu un petit appartement bien exposé, il allongea au valet 30 francs de pourboire sur les 50 qui lui restaient. Il résolut de prendre pension au restaurant Jimmy. Il se commanda chez Duvals, l'excellent tailleur canadien, une dizaine de vêtements, redingotes, jaquettes, smoking, pets en l'air, habits de soirée, culottes de scie, culottes de cheval, tâta minutieusement les étoffes et discuta la coupe avec un air hiératique. Si le prince de Galles eût vu les cravates et les chemises que Jam se commanda chez Ennemi Minor, il eut dans le désespoir de la défaite, abdiqué toute prétention à l'élégance, et se fut habillé, séance tenante, en ouvrier ferblantier. Feu Brummel, lui-même, en voyant les belles chaussures vernies de James, eut laissé échapper une éructation bruyante, si cette marque d'intempérance ou de dépit n'était interdite à ceux dont l'estomac a des raisons posthumes pour ne plus fonctionner. Contre la somme de 3 francs, un employé de télégraphe remit à Jam 10 cartes ouvertes. Jam en écrivit la suscription, d'une écriture chaque fois différente, puis il se les adressa à son hôtel à des heures où il se doutait bien qu'il n'y était pas. Jusqu'à sa rentrée, ses cartes traînaient sur le bureau, à portée de l'œil indiscret de la patronne. D'une écriture date déposée, « Cher Monsieur Jam, votre enchère n'est pas couverte. Le château et ses dépendances vous restent, ainsi que les 70 bœufs vinaigrés notaires. » Et ces quelques mots en caractère hâtif mais princier. « Cher Jam, on ne vous voit plus. Venez donc déjeuner. » Henri d'Orléans, duc de Mal. D'une grande écriture longue. « Quel beau collier de perles, beau chou. Tu me gâtes. Viens ce soir. » Frédégonde de Brunehaut. Et l'après-midi, Jam passa chez son tailleur. « Auriez-vous 1000 francs de votre caisse? Je vous les rendrai à 5 heures et vous m'éviterez la peine d'aller jusqu'à la banque. » Voilà des choses qu'il ne faut jamais dire à des gastralgiques. Le visage de l'excellent Duvals devint terreux comme un soulier de jardinier. Mais il réfléchit qu'il s'est enfoncé à fond en livrant une commande de 3 000 francs de vêtements. Refuser de prêter 50 louis, ce serait s'avouer à lui-même qu'il a fait une affaire hasardeuse. Et les mauvaises affaires sont très mauvaises pour l'estomac. Il préféra allonger les 1 000 francs sans ardeur. Jam passe alors au bureau de son hôtel. « Avez-vous des lettres pour moi, Madame Thibert ?» Puis, négligent, tirant son portefeuille, « Faites-moi donc chercher de la monnaie de 1 000 francs, des billets et des louis. » Il entre une demi-heure après, comme par hasard, chez son chemisier, brillant morceau de critique sur les derniers cols livrés. Puis, désinvolte, tirant son portefeuille et des louis, « Donnez-moi donc un billet de 1 000 pour toute cette monnaie qui m'embarrasse. » Le chemisier dit en riant bassement, « Il y en a bien d'autres qui voudraient être embarrassés comme vous. » Jam entre l'instant d'après chez Odessa. Élégie, reprise en chœur sur ce thème, la fragilité des bottines vernies. Puis Jam, machinal, tirant son portefeuille, « Auriez-vous 2 billets de 500 pour 1 de 1 000 ?» Au restaurant, maintenant, il y pénètre d'un air distrait. La dame de la caisse, sur sa demande, lui remet 10 billets de 100 francs, pour ses 2 billets de 500. À 5 heures moins le quart, il rapporte ses 50 louis au tailleur, qui en agonise de joie, et s'excuse d'une voix défaillante. « Pourquoi? Vous êtes pressé? Vous m'auriez remis la somme un de ces jours. » Enfin, Jam satisfait d'avoir consolidé son crédit, s'offre en supplément à son dîner une bouteille de champagne que la dame de la caisse inscrira joyeusement à son compte. Fin. Le collectionneur. Un matin d'avril, mon ami l'arcilleur adopta un enfant de quelques mois. Il se trouvait dans les conditions légales, n'ayant pas d'enfant vivant. Puis il se dit « Maintenant que j'ai un enfant adoptif, ne serait-il pas bon que j'eusse également un enfant naturel ?» Et il en toucha deux mots à une modeste ouvrière, sa voisine de palier. Elle lui donna, le terme accompli, un enfant naturel qu'il alla reconnaître à la mairie. Après le baptême, il rentre chez lui tout soucieux. « J'ai bien, pensait-il, un enfant adoptif et un enfant naturel, mais je n'ai pas d'enfant adultérin. Au fait, acheva-t-il, mon notaire n'est-il pas marié ? Si je me faisais présenter à sa femme ?» Ce qui fut dit fut fait. Il fut bientôt en bon terme avec la notairesse. Un soir, comme il dînait chez ses parents, il eut, après le potage, un sursaut. « Sapristi, se dit-il en lui-même, je n'ai pas d'enfant incestueux. » Justement, il lui restait encore une sœur non mariée, et il put se procurer, à peu de frais, un enfant parfaitement incestueux qui n'était pas adultérin. Cependant, les puritains commençaient à le regarder d'un mauvais œil. Alors il se dit « Faisons taire les langues et prenons femme. » Mais il s'agissait de s'assurer tout d'abord un enfant légitimé. Il entreprit donc la séduction d'une jeune fille très bien, et ne l'épousa qu'après qu'elle lui eut donné un petit garçon, qui fut, au terme de la loi, un enfant légitimé. Puis, il la rendit mère une seconde fois pour avoir un enfant purement légitime. Il vivait en paix avec sa compagne dans une petite maison de Neuilly. Autour de lui jouait l'enfant adoptif, l'enfant naturel, le légitimé, voire l'adultérin que lui envoyait souvent la notairesse, et aussi Gaspard, l'enfant incestueux qu'il appelait papa le lundi, le mercredi, le samedi, et mon oncle les autres jours de la semaine. L'artilleur n'était pas complètement heureux, car souvent la santé de ses enfants le mettait dans des transes douloureuses. Il craignait qu'un malheur n'arrivât à l'enfant naturel et ne dépareillât ainsi sa collection. Vivant à l'état de mariage, il ne pouvait donner le jour qu'à des enfants légitimes ou adultérins. Et pour remplacer à l'occasion son bâtard, il eût été contraint de se séparer de sa femme par les moyens toujours pénibles du divorce ou du meurtre. Quant à la mort de l'enfant adoptif, c'était un cauchemar pour lui que d'y songer. Pour se trouver dans les conditions légales et adopter un autre enfant, il eût fallu primitivement supprimer tous les siens et recommencer sa collection. Cependant, le ciel le bénit, la santé de ses enfants demeura florissante et il vivait en paix, tel un patriarche au milieu de cette famille de bric-à-brac. On le rencontrait assez souvent dans le monde, dans les salons académiques et les diverses ambassades, où il aimait inventer sa petite famille. Un soir, au fumoir, le blafard ricana. « Pas très complète, tu sais, ta fameuse collection. Il manque un numéro important. »« Je voudrais bien savoir lequel, » riposta l'arcilleur, d'un ton très assuré. « Il manque, » continua l'autre, « un enfant posthume. » L'arcilleur blêmit à cette parole. « Et prends garde, » acheva froidement le blafard. « À supposer que tu meurs subitement, sans que ta femme soit grosse, il est à présumer que l'enfant posthume manquera toujours à la série. D'autre part, si tu la fécondes, et si tu oublies de mourir, tu seras père de deux enfants légitimes, un numéro double. Triste gaffe pour un collectionneur. » L'artilleur se leva d'un trait. Il passa dans un salon voisin, où sa femme jacassait paisiblement avec des dames du haut monde et d'un ton impératif. « Adèle, rentrons chez nous. Illico. » Quelque temps après, nous apprîmes que l'arcilleur s'était mortellement blessé en jouant avec une arme à feu, dont il avait improbablement pressé la gâchette au moment même où le canon se trouvait entre ses dents. Il laissait plusieurs enfants de différents lits et l'espoir d'un enfant posthume. La succession, avec des héritiers si divers, ne manqua pas de s'égarer dans la forêt des articles du code et fit la rencontre du fisc. qu'il avala tout entière gloutonnement. La famille de l'artilleur se trouvait sans ressources, mais il avait prévu sa difficulté et légué sa collection aux enfants assistés du département de la Seine. Fin. Qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous dire ? Telle était la question que se posaient les savants réunis au congrès de Pampelune pour chercher les moyens de communication possibles entre la planète Terre et la planète Mars. L'accord s'était fait sur ce point, que les signes lumineux observés à la surface de Mars étaient bien des signaux à notre adresse, dont il s'agissait de trouver le sens. Et ce n'était pas douteux. Pourquoi voulez-vous qu'une planète perde son temps à s'éclairer ainsi à Giorno, si ce n'est pour converser avec d'autres planètes ? Le docteur Isidorus présenta une motion qui fut adoptée à l'unanimité. « Admettons, disait ce savant docteur, que les Martiens sont beaucoup plus avancés que nous dans la voie du progrès et qu'ils se sont rendus compte, par des moyens perfectionnés, de téléphonie, de téléphotie, de tout ce qui se passe à bord de notre planète. Risquons donc le coup, écrivons-leur en français. Ça ne coûtera jamais que 22 milliards. Pour écrire à des gens qui habitaient si loin, il fallait se procurer une feuille de papier énorme et surtout un endroit très plat pour l'étaler. On choisit l'endroit classique pour une expérience de ce genre, les déserts de l'Afrique centrale. On supprima des oasis, on rasa des villages de nègres pour empêcher que l'immense feuille fît des plis. Par la même occasion, on civilisa des quantités de noirs et l'on convertit au végétarisme tous les cannibales de Luanski, de Luangé et de Wanga, si friands jusque-là de chair humaine qu'ils nourrissaient de leurs propres oreilles leurs ventres affamés. On réquisitionna tous les produits des fabriques d'encre, si bien qu'en Europe, l'encre manqua. Madame Séverine dut écrire sur l'écorce des arbres ses éloquents appels à la charité publique, durant que des tambours de ville, pareils aux anciens rhapsodes, déclamaient dans les carrefours de Limoges, des Ordelies ou de Loudéac, les Alexandrins de M. François Copé. Quand on eut rendu, par des procédés chimiques, l'encre parfaitement lumineuse, d'immenses rouleaux traînés par des bœufs l'étalèrent pour former les lettres sur la feuille de papier. Ce travail dura près de 4 mois. Comme les signaux de Mars continuaient de plus belle, on avait décidé d'envoyer d'abord cette brève interrogation. Plaît-il ? Chacune de ces lettres mesurait 100 lieues de hauteur. Et l'on prit soin de mettre sur les i des points d'un diamètre tel qu'une armée tout entière y pouvait évoluer. L'inscription terminée, on attendit au grand observatoire du Gabon la réponse de la planète Mars. On n'attendit pas longtemps. 24 heures après, courrier par courrier, la réponse de Mars arriva par lettres lumineuses isolées qui apparaissaient l'une après l'autre de quart d'heure en quart d'heure. L'observatoire les télégraphiait aux terriens surexcités. Or, la réponse à la question « plaît-il ?» disait simplement « rien ». On étala dans l'Afrique centrale une nouvelle feuille de papier sur laquelle on écrivit ces mots. Le travail dura 7 mois. « Alors, pourquoi nous faites-vous des signes ?» Mars répondit « Ce n'est pas à vous que nous parlons, c'est à des gens de la planète Saturne. » Fin. Gangrène des paletots et névrose des bottines. Une récente chronique scientifique du temps signalait dans un journal industriel une étude pleine d'aperçus nouveaux sur une maladie connue et inexpliquée des chaudières à vapeur. On la nomme la corrosion par pustule. C'est là, ajoute notre confrère, une vraie maladie, analogue à la variole des humains. Vos bouillottes se garnissent d'ampoules ou de pustules. Les ampoules crèvent, grêlant la tôle. Il arrive souvent qu'une chaudière au repos contracte sa voisine, une maladie pustuleuse. Contelli nous a dit jadis l'histoire réjouissante d'un aliéné qui a fait des blagues à des objets domestiques. Ne raillons plus, désormais, puisque ces compagnons inanimés de notre existence ont, eux aussi, leurs souffrances et leurs deuils. Le savant Gugli-Meyer, au cours de sa vie d'étudiant, a recueilli d'intéressantes observations sur la maladie poisseuse des tables de café. Cette affection terrible qui se communique au paletot par les coudes. Il résulte de nombreuses expériences faites par le docteur Saint-Crazy sur les prisonniers du dépôt que le séjour des fortifications, arches des ponts et bancs de gare est moins favorable aux festons et redingotes que la fréquentation exclusive des salons d'ambassade. On sait d'autre part que les longues veilles et les orgies ne conviennent pas toujours au tempérament un peu fragile des devants de chemise. À la suite de repas prolongés, ils contractent diverses maladies cutanées, plaques vineuses, etc. Les chapeaux de femmes aussi s'accommodent assez mal des expéditions nocturnes dans les brasseries et lieux de plaisir. Certaines personnes ont l'habitude de mettre leurs semelles de bottines en contact avec le trottoir. Et il en résulte à la longue un danger réel. En effet, plusieurs de nos correspondants ont remarqué qu'il se produisait un amincissement progressif de la semelle susceptible de dégénérer en une ulcération très grave. On a constaté, dans un autre ordre d'idées, que les pardessus d'hiver finissaient par devenir très impressionnables, malgré leur rude aspect. J'en ai connu un qui s'était mis à dépérir tout à fait, faute d'avoir pu se consoler de la perte successive de tous ses boutons, dont chacun laissait en s'en allant un grand vide. J'ai observé, pour mon compte, un phénomène étrange qui relève plutôt de l'étude des maladies mentales. C'est l'effet du beau temps sur l'état cérébral des parapluies. J'ai essayé à diverses reprises d'acclimater chez moi un parapluie. Dans les premiers temps, il revenait régulièrement au logis avec la docilité exemplaire d'un caleçon ou d'un gilet de flanelle. Mais si le temps se mettait au beau au cours de notre promenade, il se produisait chez mon parapluie une amnésie bizarre et il oubliait totalement le chemin de la maison. Ne terminons pas cette courte étude sans signaler le pouvoir d'hypnotisme que peuvent acquérir certains individus sur les objets domestiques. Une dame qui demeurait sur mon palier charmait absolument les ombrelles, les mouchoirs de batiste et les presse-papiers qui quittaient un à un les grands magasins pour la suivre jusque chez elle. Ce cas intéressant lui valit la visite de quelques curieux, et même de notre commissaire de police, lequel s'intéressait beaucoup à ces questions spéciales. Fin. Apparition. Quelques mois après la mort de ma tante Coromandel, je fus pris d'un grand désir de revoir la chère dame. On me donna l'adresse d'un médium de Vaugirard, la veuve Amédée. C'était une personne de forte taille, remarquable par un énorme nez crochu. On me fit écrire sur un registre mes noms et prénoms et ceux de mes pères et mères. Puis on me conduisit dans une assez grande pièce tendue de noir où la veuve Amédée me demanda quelques renseignements sur ma pauvre tante Coromandel. Ne se coiffait-elle pas toujours de bandeau noir? Je répondis que je l'avais toujours connue avec des cheveux blancs. Ces renseignements obtenus, la veuve Amédée, que les esprits travaillaient, parut soudain défaillir et promena autour d'elle des yeux égarés. Elle eut encore assez de force pour me prier de m'asseoir auprès d'une petite table. La lumière s'éteignit et des mains me garrottèrent dans l'ombre. Deux ou trois minutes s'écoulèrent. Puis j'entendis de faibles gémissements. Une blanche clarté prit une forme dans un angle de la pièce et je distinguai bientôt, à quelques pas de moi, une dame bien bâtie, pourvue d'un grand nez et coiffée de cheveux blancs crespelés. Cette dame dit d'une voix chantante « Bonjour, cher enfant !» Je pensais alors que cette personne de forte structure pouvait bien être la tante Coromandel, que son séjour dans l'autre monde avait changé considérablement, modifiant par des influences funèbres jusqu'à la forme de son nez qui, d'humblement camard, était devenu impérieux et crochu. Nous entamâmes, le fantôme et moi, une conversation assez banale. Je demandai à la tante Coromandel si elle se plaisait dans l'autre monde. Elle me confessa qu'elle y était mystérieusement tracassée par des embarras d'argent. Elle me demanda donc de lui prêter 120 francs que je dus déposer à côté de moi sur une petite table en me servant de mon bras droit, qu'en me garrottant, on l'avait précisément laissé libre. L'on prononça alors des paroles vagues et sembla s'enfoncer dans le mur. Quand la lumière se fit dans la chambre, tout vestige avait disparu de la tante Coromandel et des 120 francs. Quelques instants après, Madame Amédée rentra dans la chambre et m'avoua qu'elle se sentait travaillée par de nouveaux esprits. Tout retomba dans l'obscurité et j'aperçus bientôt un vieillard au nez crochu, lequel se fit connaître comme feu mon grand-père. Lui aussi, malheureusement, avait des embarras d'argent et me pria de lui laisser 120 francs sur la petite table. Il me demanda en bloc des nouvelles de la famille d'une voix chantante et disparut dans le mur. Lorsque revint Madame Amédée, je la remerciai, secouai vigoureusement mes ficelles et m'apprêtai à prendre congé, mais le médium avait encore une fois apparu en proie à un trouble étrange. « Ah ! Dit-elle, j'entends votre grand-mère qui s'approche à pas rapide. » Eh bien, me hâtai-je de répondre, vous lui présenterez mes excuses. J'avais certes le plus vif désir de la voir, mais il est 4 heures moins le quart et un rendez-vous très urgent m'appelle loin d'ici à 4 heures. Stratégie chinoise. Le gouvernement chinois, ayant reçu d'une fabrique d'armes européenne 300 000 fusils nouveaux modèles, les fit orner chacun de 3 clochettes. Et c'est ainsi qu'au matin du dernier septembre, 900 000 clochettes tintèrent et retintèrent dans la vaste plaine de Lao Tzu. Le généralissime Hang Hang, suivi de sa brillante escorte, s'avança sur une colline fleurie et s'apprêta à donner le signal du combat. Parmi les reporters, mêlés à l'escorte, se trouvait mon ami Saladier, rédacteur militaire au journal L'Éleveur d'Abeilles. Il suivait d'autant plus curieusement les opérations qu'il n'entendait rien à la stratégie chinoise. Le général Hang Hang leva bien haut son sabre bicuspide et s'écria « Yu Qi !» ce qui voulait dire « Sur le 18e escadron du 22e régiment, formez la masse !» Le commandement, Yu Qi, fut répété par le général Tsitsing, puis par le général Taopé, puis à l'infini par d'autres chefs de corps. Les troupes alors se mirent en mouvement et les 900 000 clochettes tintèrent à nouveau dans la plaine. Hang Hang s'écria ensuite de sa voix forte « Nao Qin !» ce qui voulait dire « Sur la droite, la cavalerie, formez-vous en bataille !» Les généraux répétèrent « Nao Qin !» et toute l'armée vint se ranger en bataille le long de la rivière Huhuhan vis-à-vis de l'armée japonaise. À ce moment, mon ami Saladier se trouvait près du généralissime. Un grain de poussière entra dans la narine droite du dit Saladier et le fit éternuer d'une façon formidable. Achim ! Alors les généraux, Tsitsing et Taopé, s'écrièrent Achim ! Tous les chefs de corps répétèrent Achim ! Et avant que Hang Hang pût émettre un commandement contradictoire, l'armée opéra un mouvement tournant qui la mena sous le feu direct de l'artillerie japonaise. En moins d'une minute, 35 000 Chinois jonchèrent le champ de bataille. Le reste de l'armée battit en retraite. Seuls les 35 000 cadavres restèrent dans la plaine. Ils avaient toutes de belles nattes de cheveux pour que l'ange chinois de la mort pût les emporter commodément dans l'autre monde. Mais l'ange chinois de la mort eut le tort de ne pas se presser et fut devancé par Harvey, Jim & Co., marchand de cheveux à Shanghai, qui arrivèrent avec une bonne équipe et quelques tombereaux et coupèrent tranquillement les 35 000 nattes. Fin. Une semaine bien remplie. C'est lundi dernier que nous avons conduit au Père Lachaise mon oncle Mathia, un homme qui se croyait déjà du meilleur monde et qui est parti pourtant pour un meilleur monde. Pour un monde meilleur. Nous lui avions prédit que son habitude de boire de l'eau de Seine lui jouerait d'une vilaine farce. La veuve Cybert, enterrée mardi dernier, ne buvait, elle, que de l'eau de Lavanne. Pouvait-elle prévoir que Lavanne, jadis si dédaignée des microbes, deviendrait bientôt aussi fréquentée que la Seine elle-même ? Mercredi, ce fut le tour de maître Cronos, mon notaire, qui, sur le conseil de son médecin, avait fait l'acquisition d'un filtre. Mais, aux dernières nouvelles hygiénistes, rien n'est si dangereux que les bougies des filtres. Les rendez-vous des microbes de bonne compagnie se donnent tous en ce poreux séjour. C'est à Montparnasse qu'on a enterré jeudi mon vieil ami Mexique. Quelle fatalité de boire de l'eau minérale à ses repas. On n'ignore pas que des colonies microbiennes, très élégantes, s'introduisent dans les eaux minérales pendant la décantation et la gazéification. Compte rendu de l'Académie de médecine, séance du 28 mars 1894. Le baron, s'est mis résolument au régime de l'eau bouillie. Aussi, ça n'a pas traîné. L'eau bouillie est des plus indigestes. Au bout de 3 semaines, l'estomac du baron se ballonna, son intestin grêle s'enfla et se travailla pour égaler le gros intestin en grosseur. Il s'enfla tant que le baron en mourut. Vendredi, un petit groupe d'amis l'accompagnèrent au four crématoire. Avec Godot, j'étais plus tranquille. Il ne buvait que du vin. Et pourtant, samedi, nous avons conduit Godot au papa Lachaise. Il ignorait cet homme confiant qu'il avait pour vigneron un capricieux dilettante, baptisant son vin tour à tour avec de l'eau de puits, de l'eau de rivière, de l'eau filtrée, de la vieille eau minérale, et même avec de l'eau de vaisselle en manière d'eau bouillie. Fin. La politesse et l'amitié. Georges d'Oreste et Maxime Pilade ont été présentés l'un à l'autre un de ces derniers étés à la terrasse du Café Canadien. Georges d'Oreste et Maxime Pilade sont deux jeunes hommes bien élevés, de riches familles. La présentation faite, chacun d'eux devant son porte blanc, se tint un peu gourmé, pas du tout entamé par la chaleur, les cheveux partagés en bandeaux, le cou très entouré de cravates. Ils se découvrirent des amis et des goûts communs et prirent rendez-vous timidement pour une date prochaine. Ils s'en imposaient mutuellement et chacun tenait à se hausser dans l'estime de l'autre. Au moment de payer les consommations, « C'est à moi !» s'écria l'un. « Pardon, c'est pour moi !» riposta l'autre. « Voyons, reprit d'Oreste, je n'admettrai pas ça. Je vous assure que vous me désobligerez, répartit Pilade. Prenez, garçon. Non, tenez, garçon. Patient, le garçon attendait la fin de cette lutte coutumière, augurant avec satisfaction que le vainqueur ne manquerait pas de saluer sa victoire par un pourboire suffisamment épateur. 2 ans se sont écoulés. La pauvre bande des 4 figurants éhontés, le vieux poncif hiver, le jeune équivoque printemps, le rastaquouère été et l'automne, puant de snobisme élégiaque, ont passé et repassé, comme ils font sans répit sur la scène du monde. L'eau qui vient des montagnes va à la mer, se volatilise et resserre toujours. L'eau économique a coulé sous les ponts. Oreste et Pilade ont appris à se connaître, et ce sont maintenant 2 amis, de vrais. Ils montent ensemble à bicyclette, plaisantent avec les mêmes dames, empruntent au même usurier. Ils ont le même tailleur, les mêmes rancunes, et dans le même temps que l'un change d'opinion, l'autre jette la sienne au linge sale, jusqu'au jour où ils remettent l'un et l'autre ses opinions pareilles, blanchies par des arguments ou des intérêts nouveaux. Aussi inséparables que ces messieurs siamois, ils ont un langage à eux, où certains mots évoquent des souvenirs communs et spéciaux, les font rire aux larmes, et ne font rire qu'eux. Les voici attablés devant la même table du Café Canadien. Des pailles plongent dans leurs verres, vides et décolorés. Oreste et Pilade sont là depuis pas mal de temps, et ils s'en iraient volontiers. Mais Pilade guette un geste d'Oreste, qui espère un mouvement de Pilade. À la fin, Pilade impatienté, « Paye-toi !» Et Oreste, « Cochon ! Qu'est-ce qui a payé la voiture tout à l'heure ?» Pilade, « C'est moi qui ai trinqué presque toute la semaine dernière. C'est bien ton tour !» Oreste, « Est-il râleux, cet oiseau-là ? » D'abord, je n'ai pas de monnaie. Pilade, « Tu as changé un louis tout à l'heure. » Et les 2 amis continuent. Ce sont 2 vrais amis qui ne se gênent plus. Fin. à la guerre. La guerre avait été déclarée 15 jours auparavant. Le mouvement des affaires était suspendu et les sociétés de course de chevaux avaient annulé leurs réunions. Aussi, les principaux bookmakers et les plus forts plungers s'étaient-ils dirigés vers le centre des opérations où les hostilités commençantes donnaient déjà lieu à un betting fort animé. Le 19 août 1900, l'imminence d'une grande bataille avait attiré à Tunis-sur-Andelle, sur la terrasse d'un vieux moulin, toute une société cosmopolite, composée de reporters, de sportsmen, de bookmakers et de petites jeunes fans très affairées. On se désignait parmi elles la baronne de Sède, qui passait la nuit alternativement avec chacun des généralissimes, des deux armées en présence, l'archiduc Franz et le général Vendangeur. Et les deux hommes de guerre jouaient, disait-on, une partie passionnante à lâcher le soir, au moment des abandons, des confidences mensongères ou traîtreusement sincères, et aussi à scruter le vrai et le faux à travers les indiscrétions presque toujours fidèles de la petite baronne. Ce fut vers 10 heures du matin que le premier coup de canon se fit entendre. Aussitôt, des paris s'engagèrent. On savait l'armée ennemie supérieure en nombre. Un vieil officier chilien, très connaisseur, déclarait en donnant ses pronostics que les positions occupées par l'archiduc étaient formidables. Mais on avait confiance dans les qualités stratégiques de Vendangeur et, offerte primitivement à 3 contre 1, son armée finit très soutenue à 7 contre 4. Un gros parieur, un marchand de bois de la Haute-Marne, nommé Gobourg, arriva à ce moment sur la terrasse du moulin. Un hasard lui avait fait rencontrer sur son chemin un espion, un transfuge de l'armée ennemie qui, pour 50 louis, lui avait vendu un avis secret, un tuyau merveilleux. L'archiduc Franz avait dégarni ses positions du village de Fligné, que Vendangeur croyait très fortement occupé. Un fort contingent avait abandonné Fligné pendant la nuit et opéré un mouvement tournant qui devait l'amener sur une position mal défendue du général Vendangeur. Cette manœuvre allait décider du sort de la bataille. Gobourg se prépara donc à ponter ferme l'armée de l'archiduc. Il avait sur lui 80 000 francs. En ces temps troublés, les paris se réglaient au comptant. On payait 2 pour l'archiduc Franz. C'est-à-dire qu'avec 80 000 francs, Gobourg pouvait gagner 40 000 francs à coup sûr. À coup sûr. Était-ce bien à coup sûr? Ma foi, se dit tout à coup Gobourg, Vendangeur est à 15 contre 8, c'est-à-dire que si je le joue et s'il est vainqueur, je gagnerai 150 000 francs. Je vais jouer carrément Vendangeur. Et il a résolu donc de transmettre gratuitement au général l'avis qu'il avait payé 50 louis. Et même, ajouta-t-il, au point de vue patriotique, ce sera tout à fait épatant. Il le fit comme il avait résolu, et sa belle conduite décida de la victoire. Vendangeur, averti, déjoua la tactique de l'archiduc Franz, fortifia la position qu'on attaquait, et s'installa en maître dans Fligné que l'ennemi avait dégarni. Le soir même, en présence de son état-major, le généralissier fit venir Gobourg et attacha sur sa poitrine une glorieuse récompense. Voilà une journée, dit le bookmaker, Ralph, qui rapporte plus de 200 000 francs à notre ami Gobourg. 150 000, interrompit le bookmaker Jeffrey, qui avait payé pour savoir, puisqu'il avait réglé le pari. Et le ruban, dit Ralph, pour combien donc le comptez-vous? Fin. L'esprit vient en mangeant. Les naturels de l'Ouancy, vaste territoire qui s'étend entre le lac Rodolphe et le lac Victoria Nyanza, sont parmi les anthropophages de l'Afrique centrale ceux qui ont le mieux su concilier leurs habitudes de cannibalisme avec les raffinements de notre civilisation. Une délégation de l'Ouancy, à la suite d'un séjour de quelques semaines au jardin d'acclimatation, a rapporté au pays natal d'intéressantes coutumes européennes. C'est ainsi que la royauté dans l'Ouancy se tire au sort, à la façon de la royauté de l'Épiphanie. La galette traditionnelle y est remplacée par une jeune femme, enceinte de 3 mois, qu'on accommode en salmis. Le regagnant est proclamé roi pour une année. C'est lui qui, au terme de la Constitution, est chargé, 3 mois avant l'expiration de son mandat, de préparer la jeune femme pour le jour des rois prochains. On en prépare chaque année 3 ou 4 pour plus de sécurité. Cet extrait du Moniteur des explorations et découvertes m'avait toujours vivement intéressé. À cette époque, mon âme jeune et prise d'inconnu s'exaltait au récit des Livingstone et des Stanley. Et mon plus grand désir était de visiter des tribus d'anthropophages. J'appris à cette époque que le docteur Pionnier, le hardi conférencier, 3 fois lauréat de l'Académie des sciences, partait en mission dans l'Afrique centrale, dans un but à la fois géographique et humanitaire. On faisait appel à tous les jeunes gens de bonne volonté, possédant une bonne santé, un jarret solide et 3 000 francs pour subvenir aux besoins d'expédition. Le docteur Pionnier réunit ainsi 7 jeunes hommes d'excellente famille qui lui apportèrent 21 000 francs. Comme c'était un galant homme, il s'en servit immédiatement pour régler des dettes de jeu. D'après les prospectus, une fois nos 3 000 francs versés, notre voyage était payé en première classe de Marseille à Zanzibar. Mais le jour du départ, le docteur Pionnier eut une longue conférence avec le capitaine du steamer, la ville d'Aubervilliers. Puis il vint nous expliquer qu'un voyage trop confortable nous préparerait mal aux fatigues de l'expédition. Nous coucherions donc avec les hommes d'équipage et nous rendrions de petits services au navire en qualité de chauffeur et d'aide cuisinier. Nous arrivâmes le 16 avril en vue de Zanzibar, ville célèbre, ainsi nommé parce que tous les habitants passent leur temps à jouer des consommations. Le docteur Pionnier fit alors un nouvel appel de fonds et nous réunîmes, en vidant nos poches, 7 700 francs dont le chef de l'expédition se servit pour régler de nouvelles dettes de jeu contractées à bord du steamer. Le sultan de Zanzibar, très flatté de notre visite, nous invita à sa table et offrit au docteur Pionnier un bateau démontable qui devait nous servir à traverser des rivières. Puis il nous donna une escorte de 12 nègres, du tabac prisé et de riches présents, dont 15 paires d'espadrilles. Avec les hommes que nous avions amenés d'Europe, nous étions bien 20 de blancs. Nous prîmes chacun un morceau du bateau démontable sous notre bras et nous nous acheminâmes gaiement vers Bagamoyo. La dysenterie, cependant, faisait des vides dans notre petite troupe. Quand l'un de nous restait en route, on lui prenait son tabac et son morceau de bateau. Malheureusement, plusieurs morceaux de bateau s'égarèrent et quand nous voulûmes reconstituer notre frêle esquif, la moitié de la coque manquait. D'ailleurs, il ne devait déjà pas être au complet quand le sultan nous l'avait donné. Le sultan de Zanzibar a, sur toute la côte orientale, la réputation d'un blagueur à froid. Nous arrivâmes fort à propos à Irantouni, petit royaume situé entre Bagamoyo et Mpwapwa, 8 degrés d'altitude sud. Le roi d'Irantouni avait longtemps habité Paris, il en avait rapporté 12 lances d'allumeurs de réverbères, dont il avait armé sa garde royale, et une quantité énorme de ces paysages peints en gris qui servent aux photographes pour des fonds. Et il allait border des allées entières et des places publiques. Comme tous les vendredis, l'administration du jardin d'acclimatation fait conduire les rois nègres dans une maison spéciale du quartier de la Bourse. Le roi d'Irantouni, qui n'était pas renseigné, avait cru visiter une cour européenne ou quelques somptueuses ambassades. Aussi, toutes les dames de sa cour étaient-elles désormais habillées de peignoirs en satinette de couleur ou vert sur le devant. Les habitants d'Irantouni n'étant pas anthropophages, nous fûmes obligés de nous avancer vers l'intérieur des terres pour pouvoir exercer notre œuvre de civilisation. Nous arrivâmes au premier jour de juin à Kakoma. Mais les habitants de Kakoma avaient été récemment convertis au végétarisme. À Kouaoulé, le roi du pays, à qui nous demandions s'il était friand de chair humaine, nous répondit « Dis pas ça, tout me fait rôter ». Ce qui voulait dire « Je vous en prie, ne continuez pas sous ce ton-là, vous allez me donner des hauts le cœur ». Nous arrivâmes enfin dans cette grande étendue de terre qui se trouve entre les lacs Tanganyika et Victoria Nyanza. Les villages et endroits habités devinrent rares. Nous parcourûmes une 50aine de milles sans rencontrer un être vivant. Les provisions de la petite troupe s'épuisaient, l'eau par bonheur ne manquait pas, mais aucune plante comestible ne croissait dans la prairie. Le gibier faisait complètement défaut. Le 18 juillet, au soir, nous n'avions rien mangé depuis 36 heures. Le docteur réunit tous les blancs, on mit solennellement dans le chapeau les noms des nègres. Le premier nom qui sortit fut celui d'un vieux guide, qui rendait de sérieux services à l'expédition. On recommença l'épreuve par égard pour son grand âge et sa probable coriacité. Enfin, le sort désigna un jeune nègre nommé Koudou. Il était vigoureux et de belle taille. Le docteur, excellent cuisinier, fut chargé de l'accommoder. Tout le monde, servi copieusement, en redemanda. Il nous fit trois repas. Cependant, le pays commençait à devenir giboyeux. Mais la chasse était si difficile et c'est toujours imprudent de manger des bêtes qu'on ne connaît pas. Nous entamâmes un second nègre le 20 juillet au soir. Puis, à l'exception du vieux guide, toute l'escorte y passa. Heureusement, nous arrivions dans des régions habitées et nous pouvions retrouver d'autres nègres. Nous faisions, je dois le dire, horreur aux populations avec de pareilles coutumes. Akibanga, un vieux raseur de jeuf noir, vint nous faire une longue allocution où il nous sermonnait de la belle façon et nous disait qu'au XIXe siècle, il était honteux qu'on se livrât encore à de semblables pratiques. Enfin, après quelques semaines de marche, nous arrivâmes à Musumba, dans l'état indépendant du Congo. Jamais une expédition ne s'était accomplie dans des circonstances aussi favorables. Nous étions tous gras et bien portants. Nous avions sans doute trouvé la nourriture qui convenait pour supporter le dur climat de l'Afrique centrale. À notre tour en Europe, on nous combla de distinctions et le docteur Pionnier, dès sa première conférence, fit justice de cette opinion stupide qui prétend qu'on ne trouve plus d'anthropophages sur le continent africain. Fin. Début au barreau. J'ai été tout comme un autre avocat stagiaire, et tout comme un autre vêtu de la robe noire et coiffé de la toque hexagonale, j'ai perdu mes pas dans la grande salle du palais. La grande affaire pour mes jeunes confrères et pour moi était d'arriver à conquérir l'oreille du tribunal. Des anciens consultés préconisèrent plusieurs moyens plus ou moins efficaces. Il fallait, disait-il, commencer son plaidoyer d'une voix lente et monotone, et puis tout à coup, au moment où personne ne s'y attendait, pousser un long cri guttural. Mais ce truc est fort usé et ne réussit guère. On peut agiter violemment les bras comme les ailes d'un oiseau énorme, mais ça ne les amuse plus, c'est à peine s'ils y font attention. On a vu des confrères qui imitaient à ravir des acteurs notoires. José Dupuis dans l'exposé des faits de la cause, Albert Lambert-Fils dans les passages de force, Madame Pasca au moment pathétique. J'ai connu un avocat qui, pendant trois quarts d'heure, tint aussi sous le charme le juge et les assesseurs au cours d'une assez morne affaire de succession. Et dans une évocation majestueuse, il fit parler le de Cullius avec la voix de Raymond. Le tribunal lui donna quinte cause. Pour moi, depuis un an que j'étais au palais, je n'avais pas encore réussi à capter l'oreille du tribunal. Il faut dire aussi que je n'avais jamais eu l'occasion de plaider. J'avais bien pour cliente une dame qui voulait divorcer et qui venait me demander chaque semaine des conseils, des caresses et une pièce de 10 francs. Mais en examinant de près son dossier, je vis que, n'ayant jamais été mariée à qui que ce soit, elle ne pouvait raisonnablement demander le divorce. Enfin, un jour, comme je m'étais fait inscrire sur la liste des avocats d'office, le bâtonnier me désigna pour défendre un vieux vagabond qui avait volé un canari dans une cage pour en faire sa nourriture. Ce vieux vagabond avait été condamné 26 fois déjà pour bris de clôture, rébellion aux agents et vol de divers objets étranges. D'ailleurs, loin d'être endurci, il prétendait avoir été victime de 26 injustices au cours de sa longue carrière. C'était en somme de ces vieillards modestes qui, sans aucune rétribution, se chargent d'aller récolter le plus de vermine possible dans la banlieue pour le repeuplement des bancs du boulevard. Ses cheveux étaient plus touffus et plus enchevêtrés que les hautes herbes de la prairie. Il ne lui manquait cependant qu'un peu d'argent, un peu d'éducation et de la propreté pour être un vieux gentleman respectable. Il était le fils de ses œuvres et avait mis 42 ans à apprendre à lire. Et encore, n'arrivait-il qu'à épeler. Les seuls mots qu'il eut jamais couramment furent « tabac, vin, liqueur et poste de police ». La veille de l'audience, quand je vins le voir pour la dernière fois, il me tendit un petit livre qu'il avait sur lui. Cela s'appelait « Les variétés amusantes ». Il me pria de lire l'histoire de Frinet devant les juges, qui n'avaient pas très bien comprise et qu'il écouta avec la plus scrupuleuse attention. « Alors, ils l'ont acquitté ?» me demanda-t-il. « Ils l'ont acquitté. »« Bon à savoir, » reprit-il. « Je vais faire comme elle. Demain, à l'audience, je vais me mettre nu. » J'eus toutes les peines du monde à l'en dissuader. Il tenait à son idée. Je rentrai chez moi pour achever ma plaidoirie. Quelque chose me disait que j'allais obtenir un grand succès et que dès le début, j'allais me révéler comme un orateur vraiment éloquent et un dialecticien émérite. Je me voyais à 22 ans l'honneur du barreau parisien. C'est ainsi que, 18 mois auparavant, au régiment, lorsque j'étais chargé de faire une reconnaissance quelconque, j'espérais déployer dans cette humble mission des qualités intellectuelles d'un tel ordre que tous mes chefs, sous-officiers ou commandants de corps, salueraient en moi un tacticien d'avenir. De même, je n'hésitais pas à croire, s'il m'arrivait de me réciter à moi-même une scène de Molière, pour peu que je voulusse me donner la peine de monter sur un théâtre, la foule m'acclamerait de ses cris d'enthousiasme et me porterait en triomphe jusqu'à ma maison. Mais le jour de l'audience, quand j'entrais dans la sèche et claire petite chambre correctionnelle, j'avais déjà rabattu les 9/10 de mes prétentions et je ne visais plus qu'à éviter le ridicule. Il me sembla que mon coup d'éclat était ajourné à plus tard. Je m'assis à mon banc et déposai sur un pupitre des notes volumineuses. À propos du vieux vagabond et du canari volé, je m'apprêtais à soutenir la thèse générale de l'irresponsabilité. Mon client fut introduit au banc des accusés. Il était vêtu d'une houppe blonde sous laquelle il s'agitait mystérieusement. « Vous savez, me dit-il à voix basse, je vais me mettre nu. » Je le conjurai de n'en rien faire et j'adressai une recommandation au garde en le priant de veiller sur son prisonnier. Puis le président, l'interrogatoire de mon client terminé, me donna la parole. Qui donc a prétendu que les magistrats ne sont pas capables d'attention? Pendant les 20 bonnes minutes que dura ma plaidoirie, le président, les juges et le substitut, absolument médusés, ne quittèrent pas des yeux un ouvrier maçon qui, de l'autre côté de la fenêtre, travaillait à recrépir la façade. Je soutins des opinions assez subversives, qui passèrent sans que personne criât gare. Quand j'eus terminé mon plaidoyer, le maçon n'avait pas encore fini son travail. Pourtant, après une demi-minute, le président, remarquant tout à coup que je ne parlais plus, retourna la tête et s'apprêta à prononcer son jugement. Je regardai à ce moment le vagabond et je le vis prêt à faire un geste inquiétant comme pour retirer sa houppe lente. Je lui lançai un tel regard qu'il renonça définitivement à son idée fixe. Le président marmotta quelques paroles, sortit quelques numéros du code comme on sort des numéros d'auto et condamna mon client à 6 mois de prison. J'hésitais à l'aller voir dans la petite salle d'attente où stationnent les prévenus et les condamnés. Mais il me reçut sans colère, avec une hautaine expression de regret. « Pourquoi que vous ne m'avez pas laissé m'attouner ? Ils ont acquitté la garce. Bien sûr qu'ils m'auraient acquitté aussi, moi. » Un autre détenu, qui se trouvait à côté, me toisa avec mépris. « Ces jeunes, dit-il, ça se met des robes noires. Ça veut tout savoir. » Et ça ne sert rien de rien. Tels furent les incidents de ma première et de ma dernière cause. Fin. Une soirée perdue. Mon ami Henri Flan est représentant à Paris d'une maison anglaise. Ce n'est pas une entreprise de manie aux enchères, malgré ce que pourraient croire les nombreuses personnes qui voient Henri Flan assis de 2h à 7h et de 9h à minuit à une table du café Drouot. Au fond, ce que cette maison, sise à Sheffield, vend et fabrique, M. Flan ne le sait pas au juste. C'est en tout cas un article anglais. Mais cette désignation n'est pas suffisante pour la clientèle qui tient, quand elle achète, à être renseignée plus exactement. Aussi, quant à la question, comment vont les affaires? Henri Flan répond dignement qu'elles se maintiennent. On sait à peu près ce que cela veut dire. Henri Flan, hier matin, reçut une lettre de Sheffield. Cette lettre était écrite en anglais, comme toutes celles que lui envoient ses patrons. Monsieur Flan, qui ne connaissait la langue anglaise que certaines expressions spéciales, telles que Dead Heat, Walk Over, Prince of Wales, alla porter la lettre à un traducteur de ses amis. Monsieur Penpenny de Sheffield annonçait que le soir même, à 7 heures, il serait sur le boulevard, à la terrasse d'un café qu'il désignait, et priait Monsieur Flan de dîner en sa compagnie. Un quart d'heure avant l'heure fixée, Monsieur Flan se trouvait au rendez-vous. Il avait mis ce qu'il avait de plus élégant, à savoir mes bottines vernies, l'habit noir de l'ami traducteur et un très haute forme fait sur mesure pour quelqu'un et qui tenait très bien sur la tête de Monsieur Flan dès qu'il inclinait un peu sur l'oreille. 3 heures se passèrent pendant lesquelles Monsieur Flan eut l'occasion de se lever une trentaine de fois et de demander à une trentaine de messieurs s'il n'était pas Monsieur Penpenny. Or, personne, décidément, ce soir-là, ne portait ce patronyme. La vérité est peu répandue. À 10 heures, Monsieur Flan quitta tristement sa table. Un peu d'absinthe au fond de son verre avait pris l'air honteux d'un apéritif attardé. Monsieur Flan avait faim, et tous ses amis avaient déjà dîné. Il s'aperçut qu'il était en habit et dans une excellente tenue pour un bal de mariage. Il se rendit dans un bel hôtel et choisit le bal du premier étage qu'il pensa être le plus opulent. Il fut salué à son entrée par un vieux monsieur, bourbonien, et par la mère d'un des conjoints, une dame trapue, qui exposait un grand déploiement de velours noir, une aigrette de diamants, un bel édifice de cheveux et de mamelles fécondes. Monsieur Flan était très réservé dans ses salamalecs, surtout avec ces gens qu'il ne connaissait pas et qu'il comptait bien ne jamais revoir, à moins que le hasard ne l'amenât précisément au mariage de leur seconde fille. Il se dirigea sans trop de hâte vers le buffet. À l'une des extrémités de la longue table chargée de victuailles, il se fit servir un consommé, voire 2 consommés, et 2 verres de champagne. Puis il se rendit à pas compter à l'autre bout, où il but dignement 3 autres coupes de champagne, tout en mangeant 7 ou 8 sandwichs. Le dessert se prit au milieu, en un endroit non encore exploré, sous la forme de 2 tartes et d'une petite fine. Monsieur Flan se rendit ensuite dans un fumoir oriental où des boîtes de longs cigares s'ouvraient innocemment. Monsieur Flan examina les cigares, en fit craquer 6, qu'il ne jugea sans doute pas assez secs, car il les introduisit un à un dans sa poche. De guerre lasse, il en prit un 7e au hasard et s'en alla le fumer sur un canapé. Son état d'esprit s'était singulièrement amélioré dans cette dernière demi-heure. Ah, pensait-il, si le traducteur avait les épaules plus larges, la vie serait une chose parfaite. Et du pouce, il fit jouer ses entournures. Puis, son cigare terminé, il se leva lentement et se dirigea vers la salle de bal. La valse avait été très rude. Les polytechniciens tamponnaient leurs fronts boutonneux. Les civils, plus légèrement vêtus, avaient meilleure contenance. Quant aux demoiselles adversaires, elles avaient engagé leurs chaises d'expectative sous l'œil tutélaire des mamans, attendries des grands-mères, et l'aile des éventails battait perdument sur les corsages en fleurs. En somme, M. Flan, ce soir-là, ne s'attendait pas à tomber amoureux. Transporté par une digestion nerveuse, il effleurait le parquet ciré de son corps impondérable. Il se rencontra dans une glace. Il vit qu'il avait des yeux brillants et le teint animé. Il se sourit avec bonne humeur et se tourna le dos. Cependant, sans qu'il la réclamât, il manquait à sa soirée l'aventure d'amour, la belle dame que l'on souhaite au tournant du chemin. Ce fut une jeune fille blonde, en robe vernil, que la Providence commit à ce rôle. Elle avait de blanches épaules minces et un de ces profils un peu boudeurs que M. Flan avait toujours aimé. Tout naturellement, il vint à elle et l'invita pour une valse. Des procureuses invisibles étaient allées chercher ses âmes sœurs à travers le bal et les avaient mises en présence après avoir convenablement préparé. M. Flore était très échauffé par le champagne et la demoiselle Vernil par quelques tournoiements en musique et aussi peut-être par de petites libations car les jeunes filles vont assez fréquemment au buffet où les entraîne la générosité facile des valseurs. Quand ils eurent dansé une valse, puis une autre encore, ils ne se quittèrent plus. Ils allèrent s'asseoir ensemble dans un petit salon que traversaient quelques rares danseurs. M. Flan prit la main de la demoiselle Vernil. Ils restèrent sans mot dire à côté l'un de l'autre. Les minutes passaient silencieusement le long du mur. Quand elle dut s'en aller, M. Flan, d'une voix altérée, balbutia qu'il n'oublierait pas cette soirée. Lucie, car c'était elle, voulut laisser un souvenir. Elle tenait à la main un petit mouchoir de dentelle, mais elle hésita à se dessaisir de cet objet de toilette de première nécessité. Elle détacha de son poignet gauche un fin bracelet d'or orné d'une perle. C'est, dit-elle, très vite, et les yeux baissés, un bracelet qu'on m'a donné pour ma fête. J'y tenais beaucoup. Garde-les en souvenir de moi. Le lendemain, 11 heures, M. Flan me rapporta mes bottines vernies. « Eh bien, me dit-il après avoir achevé ce récit, que pensez-vous de cette soirée perdue ? Le hasard m'a procuré, là, une heure vraiment exquise. »« Une heure exquise, répéta-t-il, et 80 francs. Car ce matin, à 9 heures tapant, j'ai porté ce petit bracelet au clou de la rue Milton. Je pouvais en cirer 25 ou 30 francs tout au plus. Eh bien, le monde de piété m'en a donné 4 louis. Il faut croire que la perle était d'un bel orient. Sans compter, acheva-t-il, que je vais me faire encore une pièce de 15 à 18 francs avec la reconnaissance. Fin. Les prix de l'Académie. Monsieur Gaston Deschamps vient de répondre vivement à Monsieur Rodenbach qui s'était permis de blaguer les lauréats de l'Académie. Il m'est arrivé à ce sujet une certaine histoire qui aurait pu mal tourner. J'avais acheté à une vente une paire de vieux blottins et d'almanachs. Je trouvais dans le lot quelques exemplaires d'un volume intitulé « Comédie de château » et plusieurs exemplaires aussi d'un ouvrage d'un autre genre « Les massacres d'Européens » au Coromandel. Or, le jour même où je fis cette banale découverte, je lus dans un journal que le délai pour la réception des ouvrages présentés aux concours académiques allait expirer la semaine suivante. Une idée me vint subite, et je courus me procurer à l'Institut la liste et les conditions des différents prix. Après un rapide examen, il me sembla que les comédies de château avaient des titres sérieux au prix Brugnol, pour les meilleurs ouvrages d'art dramatique à la portée des familles. D'autre part, les massacres d'Européens au Coromandel n'étaient pas indignes du prix Montrela, à décerner annuellement à l'auteur du livre le plus utile à l'expansion coloniale. J'enlevai donc la couverture et le titre de ces deux volumes et, moyennant quelques francs, je fis composer par un imprimeur deux autres titres, dont l'un, Le théâtre de la jeune mère, était destiné aux comédies de château, et dans l'autre, Les derniers moments de Livingstone devaient remplacer Les massacres d'Européens à Coromandel. Je signai le premier ouvrage, Comtesse de Soupière, et j'inventai pour le second un nom d'abbé missionnaire. Ayant donné mes instructions à mon imprimeur, je le priai de déposer les deux tomes à l'Institut, mais en passant chez lui à quelques jours de là, je m'aperçus qu'il avait commis une assez grave erreur. Les massacres d'Européens à Coromandel étaient devenus le théâtre de la jeune mère et les derniers moments de Livingstone servaient de titre aux comédies de château. Qu'allait-il arriver ? Je me dis avec désespoir que ma fraude serait découverte. Et je n'osais pas en prévoir les conséquences. Or, je fus avisé, quelque temps après, que chacun de mes ouvrages avait obtenu un beau prix de 500 francs. Ce succès m'encouragea. Je fis main basse sur certains volumes intéressants qui encombraient ma bibliothèque. Le livret du Salon de 1887, La Clé des Songes, le tome 17 du Journal des Voyages, le Whist à 3, un recueil de thèmes allemands. Tous ces volumes, ornés de belles couvertures neuves, furent déposés au siège de la Ligue contre l'abus du tabac sous des titres de ce genre. Le fléau nicotine, les méfaits de la pipe, la Saint-Barthélemy des mégots, etc. J'obtins 4 des prix les plus importants, en tout une somme assez élevée, grâce à laquelle j'aurai mon tabac assuré jusqu'à la fin de mes jours. Fin. Doléances de l'académicien. Un de nos confrères avait annoncé que les académiciens allaient se mettre en grève et qu'ils avaient formé, pour soutenir leurs droits, un syndicat des travailleurs du dictionnaire. Dans le but de vérifier cette assertion, nous sommes allés trouver un académicien en vue qui a bien voulu nous donner des renseignements circonstanciés et très rassurants, hâtons-nous de dire. Il est exact, nous a-t-il affirmé, que le traitement d'un académicien est bien faible et serait repoussé avec mépris par un petit employé de commerce. Mais la place est si honorifique. De plus, il y en a beaucoup parmi nous qui sont riches. Il y en a d'autres qui ont de petites choses à côté, comme un traitement de professeur, par exemple. Et puis, il y en a aussi quelques-uns qui ont fait des livres et qui en tirent un peu d'argent. Voyez-vous, monsieur, le grand vice du règlement, c'est la répartition des jetons de présence aux séances du jeudi. Vous savez que tous les jeudis, une somme de 240 francs est partagée entre les académiciens présents. Vous connaissez également cette anecdote que rapporte Daudet. Le jour de la mort de Louis XVI, les académiciens restèrent chez eux, à l'exception d'un seul, le nommé Senard, qui se présenta à propos et palpa, sans broncher, la forte somme. Ce triste exemple ne fut pas perdu. Toutes les fois que, par la suite, une grande tragédie politique s'était déjouée le jeudi, chaque académicien a conçu le projet, dans son fort intérieur, de renouveler le coup de Sénart. Et ces jours-là, l'académie s'est trouvée au grand complet. Quand les académiciens sont 30 en séance, et touchent donc chacun 8 francs, s'ils ne sont que 20, le jeton est de 12 francs. Aussi, leurs efforts tendent-ils à empêcher leurs collègues de se rendre aux séances du jeudi, par toutes sortes de moyens, dont le plus anodin est la lettre de menace anonyme. Un ami secret conseille à M. X de ne pas sortir aujourd'hui, et ce, dans l'intérêt de sa vie. Mais il faut que la manœuvre soit très habile, car ils savent bien quand c'est jeudi, les matins, et ils se tiennent tous sur leur garde. Les candidats, bien entendu, sont au courant de ces petites faiblesses. Il n'en est pas un qui, au cours d'une visite académique, ne dise d'un air détaché « Je ne pourrai pas malheureusement faire preuve d'une grande assiduité aux séances du jeudi. Je dois vous prévenir que je suis retenu ce jour-là par des obligations très graves. » Ces déclarations laissent les académiciens assez sceptiques. « Ils promettent tout ça, me disait un de mes collègues, et dès qu'ils sont reçus, on ne voit qu'eux aux séances. » Quand Pierre Lotti a posé sa candidature, ses partisans disaient hypocritement, en faisant leur propagande, « Nous avons peut-être tort de le nommer. Il n'est jamais en France. Comment travaillera-t-il au dictionnaire ?»« On l'a nommé naturellement, et depuis son élection, il ne quitte jamais la terre ferme et l'Institut. On a même demandé des explications officieuses au ministère de la Marine. » Et Brunetière, lorsqu'il s'est présenté, il faisait des conférences tous les jeudis à l'Odéon. On s'est donc dit « Il ne viendra pas à l'Académie !» Et on a tous voté pour lui, comme un seul homme. Aussitôt élu, il a raconté qu'il souffrait de maux de tête et que le médecin lui recommandait tout spécialement le travail du dictionnaire. Et depuis sa réception, il ne manque pas une de nos séances. À suivre.